Montez, montez la belle sur mon cheval grison. Paris, je vous emmène joindre mon bataillon. Paris sont arrivés, les gardes lui demandent. Paris sont arrivés, les gardes lui demandent. Oh, dites-moi la belle, dites-moi sans mentir, êtes-vous ici par force ou bien pour vos plaisirs? Oh, dites-moi la belle, dites-moi sans mentir, êtes-vous ici par force ou bien pour vos plaisirs? La belle répondit ou répondu. Répondit. Répondit. Oui. La belle répondit, je suis ici par force. La belle répondit, je suis ici par force. Je suis ici par force, non pas pour mon plaisir. Au château de mon père, toi, chevalier, mon prix.